À croquer la vie à pleines dents, je souffre maintenant des quenottes. Il faut que je me reprenne avant que l'on me passe les menottes. Je ne suis pas des plus patients, je vis les jours comme des instants. Pas le temps de faire mon testament, ma mise en bière sera là avant. Je vis vite, très vite, les idées épicuriennes m'ont répété, profite, l'horloge fait les siennes. Alors je suis fougueux et je désire et j'accomplis. La sagesse fait son mieux, mais elle fatigue et puis subit. Détrompe-toi ma belle, tu n'as pas affaire à Don Juan. Mes apolichinelles, un pantin sale et dégoûtant. Envoyons-nous en l'air et fichtre les histoires de cœur. Vous savez, je n'ai que faire de Cupidon et ses humeurs. Quelques-unes, car trop souvent mon corps trépasse quand mes songes rencontrent la lune. Je fume, je fume, je fume dans les bistrots et je bois, je bois, je bois dans les fumoirs. Je fume, je fume, je fume dans les bistrots et je bois, je bois, je bois, bois, bois dans les fumoirs. Je n'en assume que quelques-unes, car trop souvent mon corps trépasse quand mes songes rencontrent la lune. Et le temps qu'il me reste, je le dévore encore, encore. À l'ennui, je lui fais des gestes qui, bien sûr, le déshonorent. Tout à coup, je m'arrête, je contemple et coordonne les idées dans ma tête. Ça y est, je raisonne. Je repense à toi maintenant qui a souffert de mon impatience, mais qui m'a donné. Dès que notre rire croque-mort et prend les vents.